Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. En France, on peut réussir à tout rater, y compris une taxe, car si l'on sait tout taxer, ce depuis des lustres, pour la première fois dans l'histoire de l'Hexagone, on a réussi à créer une taxe qui a coûté plus qu'elle n'a rapporté. Cette taxe, c'est l'écotaxe. Vous avez enquêté sur l'écotaxe, et là, Serre Fontaine, vous êtes réalisatrice. Pourquoi a-t-elle coûté plus qu'elle n'a rapporté? Pourquoi a-t-elle coûté 1,2 milliard d'euros? Tout simplement parce qu'on avait prévu des portiques, et ces portiques, ils ont été installés par une société qu'il a fallu indemniser, parce qu'on ne s'est pas servi des portiques, plus 2-3 babioles. Voilà comment on explique cette somme d'1,2 milliard d'euros jusqu'au démontage des portiques. Opération coup de poing de la filière agroalimentaire. Ce matin, sur la voie express entre Rennes et Brest, des militants ont démonté un portique bloquant la circulation. Une première action symbolique pour dénoncer l'écotaxe poids lourd. C'est une histoire très simple et très compliquée. Et là, Serre Fontaine, on n'y comprend pas grand-chose. Est-ce que vous avez réussi à comprendre cette taxe qui, au début, était assez claire, hein ? Il s'agissait donc de créer une taxe environnementale et qui, à l'arrivée, a été un formidable fiasco. Alors, en fait, c'est parti d'un constat très simple de citoyen. Comment ça se fait que cette mesure que j'avais cru comprendre ait été reportée 7 fois, abandonnée 2 fois? Pourquoi on a vu ces images quand même assez violentes en Bretagne avec des bonnets rouges qui ont détruit des portiques? Pourquoi il y a eu les transporteurs routiers qui ont fait des menaces de blocage? Qu'est-ce qui, en fait, se jouait derrière tout ça? Alors, expliquez-nous. Je dirais qu'en fait, c'est une histoire toute bête, une bonne idée. On s'est tous mis autour de la table, on s'est dit, tiens, on va faire ça pour lutter contre la pollution atmosphérique. Et puis quand il a fallu payer, il n'y avait plus personne. Nous avons décidé en responsabilité de suspendre, sine die, l'application de l'écotaxe. Au début, l'idée étant donc d'installer des portiques qui allaient détecter si un camion pollueur passait. Décision prise par Nicolas Sarkozy. Il n'y a aucune raison pour que la France accueille tous les camions qui évitent les routes de nos voisins. Cette taxe servira au financement des transports collectifs. Mais je vous dis une chose, ce que j'ai dit ce soir, nous le ferons. Ce que j'ai dit ce soir... Nous le ferons. Et à l'époque, personne ne s'y oppose. Personne ne s'y oppose parce que ça se fait déjà ailleurs. Ça se fait en Allemagne, ça marche très bien. Ça se fait en Autriche, ça se fait en Slovaquie. Donc c'est une idée qui est dans l'air du temps, qui est une idée finalement assez moderne. On utilise la route, on l'abîme, on pollue. On paye donc au prorata de son usage. Ce qui a été prévu pendant le Grenelle de l'environnement, c'est justement une éco-redevance. Et ça a été nommé taxe par Bercy, et donc ça a perdu de sa substance et de sa connotation à la fois écologique et d'usage. Donc là, ça devenait une taxe, un impôt, finalement. Donc, on avait décidé de créer cette taxe poids lourd. Pour ce faire, on avait monté des portiques, qui étaient donc des portiques achetés à une société, la société Ecomove. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, complexité aussi de la chose. Le portique ne sert pas, et ça a été mal compris aussi, le portique, c'est pas un péage, c'est-à-dire qu'on passe pas en dessous et on se fait détecter. Le portique contrôle uniquement que le camion est bien équipé d'un boîtier qui, lui, calcule très précisément par GPS le kilométrage parcouru. Donc, ça a été vu comme des mouchards, ce qui était, c'est-à-dire que le portique contrôle que le camion a bien son petit boîtier. Voilà. Pourquoi ça a raté? C'est avant tout, à mon sens, un raté politique. C'est-à-dire qu'on a quand même une loi qui a été votée à la quasi-unanimité, en séance plénière, à l'Assemblée, par la représentation nationale, dans la foulée d'un consensus du Grenelle de l'environnement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à ce moment-là, tout le monde trouvait ça absolument formidable. On était vert, on allait anticiper, on allait voir ce qu'on allait voir. Mais dans 10 ans, on aurait fait des efforts. Donc on était dans cette espèce d'énergie, donc ça a été voté à l'unanimité. Et ces mêmes gens qui avaient voté cette loi-là, se sont dédiés. Est-ce qu'il y avait une différence entre le projet de départ et le projet d'arrivée? Est-ce que donc on a vu effectivement beaucoup de politiques dire que la mesure était profondément critiquable? Est-ce qu'ils étaient de mauvaise foi? Oui. L'écotaxe, c'est vous qui l'avez décidé. Et certains députés ont même la mémoire courte. Je voyais l'autre jour Monsieur Le Fur qui disait « je ne l'ai pas voté ». Il l'a voté, comme tous les députés de la droite à l'époque. Alors un peu de dignité et un peu de courage. Oui, ce principe encore une fois, on pollue parce qu'on utilise une route, plus on l'utilise, plus on pollue, plus on paye. Ça a été ça au départ. Et oui, quand après on fait mine de tomber de sa chaise en disant « mais enfin c'est une catastrophe », oui, je pense que c'est de la mauvaise foi. Pourquoi ça a craqué en Bretagne ? Pour plusieurs raisons qui sont liées, la Bretagne bénéficie de routes gratuites depuis De Gaulle pour désenclaver ces régions qu'on a appelées régions périphériques. Donc on a dit à la Bretagne, on vous donne un avantage, c'est que vous, comme vous êtes loin et que c'est compliqué d'aller chez vous et de vous livrer ou d'exporter vos matières, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser les routes gratuites. Donc il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'autoroute payante, les routes sont gratuites. Donc là, d'un coup, on leur demandait de payer. Donc c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a fait également un choix historique d'une agriculture à bas coût en région Bretagne. Ce qui fait que, par un mécanisme économique très simple, quand on renchérit un coût de fabrication, si c'est sur des produits à bas coût, forcément, c'est plus important et plus impactant. C'était pas possible parce que là, d'un coup, ils se retrouvaient en confrontation avec des produits moins chers qui éventuellement viennent de l'Est, qui sont plus concurrentiels. Est-ce que la mayonnaise politique qui a pris en Bretagne a pris parce que, précisément, il y avait des intérêts politiques forts là-bas ? Dans la coulisse politique, en effet, Jean-Yves Le Drian, à la fois président du Conseil régional et ministre de la Défense, parle en Conseil des ministres, c'est ce que me racontent mes témoins, parle en Conseil des ministres de la Bretagne. Ce qui veut dire que, finalement, à l'intérieur même du gouvernement, on a torpillé la mesure. Ça veut dire que, à l'intérieur même du gouvernement, les intérêts bretons, si on vient de Bretagne, comptent. Ça veut dire que nos représentants à l'Assemblée, s'ils sont bretons, parlent également de la Bretagne, peut-être avant même une espèce de défense d'un intérêt national. Oui, oui, bien sûr. Et alors, au bout du compte, pour réussir à échouer, parce que en France, il faut quand même maîtriser cet art et la Serre-Fontaine, on décide d'abandonner le contrat qui lie l'État avec Ecomove, la société qui a installé les portiques. Et lorsqu'on décide de dénoncer ce contrat, on se rend compte que finalement, il n'a pas été si bien ficelé que cela. Contractuellement, si l'État revenait sur sa parole et sur son engagement, il y avait un dédit. Alors, il y a des indemnités. Donc, sur les 800 et quelques, 850 millions, je crois, de dédit, donc 450 millions à payer tout de suite, puis après 50 millions à étaler pendant 10 ans chaque année, il y a à peu près 600-650 millions qui correspond au remboursement de l'investissement qu'a réalisé l'entreprise et 200 millions qui sont de l'indemnisation pure d'un dédit, quoi. Alors, ce qui est très très bien, c'est que ces portiques, ils existent toujours, on peut les visiter. Ils servent à quelque chose, et la Serre-Fontaine ? Alors, je ne sais pas si vous pouvez les visiter, je ne crois pas. Je ne sais pas, peut-être que dorénavant, une espèce un écosystème qui s'est créé, de la mousse, des bêtes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a 160 portiques qui sont abandonnées. Le système informatique en lui-même a été enlevé. Voilà, mais les portiques sont toujours là, vous pouvez passer. Et en tout cas, leur rendre hommage. L'écotaxe, c'est devenu quoi ? C'est devenu une taxe supplémentaire sur la TIPP, donc un joli acronyme pour dire qu'on taxe davantage les carburants, ce qui est peut-être aussi l'ironie ultime du système, c'est-à-dire qu'on avait prévu de taxer le transport de marchandises pour financer un transport plus propre, donc un transport par bateau, un transport par train, et que on l'a remplacé ce montant-là par une taxe supplémentaire sur le carburant, ce qui revient à dire que, pour le coup, plus vous consommez de carburant, plus vous utilisez la route, plus vous polluez et plus l'État récupère de l'argent. Donc c'est un dévoiement absolu de la mesure qui voulait aussi changer les comportements. Merci beaucoup, Ella Serfontaine. Superfell a été raté par Alexandre Fougeron, foiré par Anaïs Isebert et massacré par Dali Yara. Superfell.